les enfants gâtés. En me voyant, si peu redoutable aux enfants, et si rêveur, devant les marmots triomphants, les hommes sérieux froncent leurs sourcils mornes. Un grand-père échappé, passant toutes les bornes, c'est moi. Triste, infini dans la paternité, je ne suis rien qu'un bon vieux sourire entêté. Ces chers petits, je suis grand-père sans mesure, je suis l'ancêtre, et mon sénin que l'aube azure, et regardant parfois la lune avec ennui, et la voulant pour eux, et même un peu pour lui. Pas raisonnable, enfin. C'est terrible. Je règne mal, et je ne veux pas que mon peuple me craigne. Or, mon peuple, c'est Jeanne et Georges, et moi, Barbon, aïeul sans frein, ayant cette rage, être bon, je leur fais enjamber toutes les lois, et j'ose pousser aux attentats leur république rose. La popularité malsaine me séduit. Certes, on passe au vieillard, qu'attend la froide nuit, son amour pour la grâce et le rire et l'aurore. Mais des petits, qui n'ont pas fait de crime encore, je vous demande un peu si le grand-père doit être anarchique, au point de leur montrer du doigt, comme pouvant dans l'ombre avoir des aventures, l'auguste armoire où sont les pots de confiture. Oui, j'ai pour eux, parfois, ménagère, pleurer, consommer le viol de ces vases sacrés. Je suis affreux. Pour eux, je grimpe sur des chaises. Si je vois dans un coin une assiette de fraises réservée au dessert de nous autres, je dis « Ô chers petits oiseaux, goulus du paradis, c'est à vous. » Voyez-vous, en bas, sous la fenêtre, ces enfants pauvres, l'un vient à peine de naître, ils ont faim. Faites-les monter et partagez.